Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 2. Passer une nuit. Activité 2. Auberge de jeunesse de Carcassonne, bonjour. Bonjour madame, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes trois. Samedi. Samedi 14. Je regarde. Ah, vous avez de la chance. Il y a encore une chambre à trois lits. Vous voulez rester combien de temps? Deux nuits. Deux nuits. Oui, c'est possible. Et quel est le prix par personne? 15,80€ par jour et par personne. Très bien. Et est-ce que le petit déjeuner est inclus dans le prix? Oui, petit déjeuner et drap inclus. Et est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Ah non, les douches et les WC sont à l'étage. Bon, bah c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Amada. Philippe Amada. Philippe Amada. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 14, une chambre à trois lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.